Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute parce que l'étude de la Bible vous intéresse. Mais êtes-vous aussi passionné d'histoire ancienne? Peut-être pas. Cependant, si vous découvrez dans votre Bible des pages d'histoire écrites des siècles à l'avance, je suis certain que vous trouverez cela extraordinaire. C'est vraiment formidable et j'espère que vous vous laisserez captiver comme moi par cette découverte. Poursuivons donc ensemble notre étude du prophète Daniel. Nous avons examiné le chapitre 10 qui, en fait, est une introduction à la vision accordée au prophète au chapitre 11. Cette vision se concentre sur le sort du peuple d'Israël comme Dieu en avait prévenu Daniel, chapitre 10, verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Les événements que Daniel raconte à l'avance, sous l'inspiration du Saint-Esprit, seront donc tous liés, directement ou indirectement, au sort du peuple juif. C'est comme un film qui se déroule sous nos yeux, un film de 300 ans d'histoire de la Palestine. Lisons donc, chapitre 11, à partir du verset 2. « Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » C'est-à-dire contre le royaume de Grèce. L'histoire nous apprend qu'à la tête de l'immense empire perse, dont la Palestine faisait partie, trois rois se sont d'abord succédés. Cyrus Ier, 537 à 529, Cambyse, 529 à 521, et Darius Hystaspe, 521 à 486. Puis, il y eut un quatrième roi, nommé Xerxès, un roi qui s'est surtout rendu célèbre par son expédition à travers l'Asie mineure vers la Grèce, autour de l'an 480. Mais Xerxès n'est pas parvenu à conquérir la Grèce. Il faudra attendre près de 150 ans pour qu'un adversaire de taille se heurte aux Perses dans cette région et les refoule d'Asie mineure. Cet adversaire de taille, ce sera Alexandre le Grand, que Daniel a entrevu une fois de plus au verset 3 et 4 de ce chapitre 11. Il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. En quelques mots, Daniel annonce ainsi l'ascension puis la chute foudroyante d'Alexandre le Grand, ainsi que le partage de son immense empire entre ses quatre généraux. Dans la suite de la vision accordée au prophète, seuls les rois d'Égypte et de Syrie jouent un rôle déterminant. Séleucus Ier, roi de Syrie, et par conséquent roi de Palestine, fondera la dynastie des Séleucides au pouvoir pendant plusieurs siècles. Nous allons voir maintenant comment l'histoire profane a admirablement confirmé les versets 5 à 19 de Daniel 11, consacrés à des guerres entre la dynastie des Séleucides, roi de Syrie, et la dynastie des Ptolémées, roi d'Égypte. Verset 5. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Le roi du Midi, c'est Ptolémée Lagos. Le chef plus fort que lui, c'est Nicanor, qui a établi sa domination jusque vers l'Indus. Verset 6. Au bout de quelques années, la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras. Les annales de l'histoire font état d'une alliance scellée par le mariage de Bérénice, fille de Ptolémée II, avec Antiochus Phos, roi de Syrie. Une alliance qui sera rompue en l'an 274 avant Jésus-Christ. Verset 7. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion. Il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Exactement ce qu'a fait Ptolémée Vergestès, frère de Bérénice, qui a vengé sa sœur en conquérant la Syrie, le royaume du Septentrion, et en accaparant la forteresse d'Antioche. Verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. L'histoire raconte que Ptolémée est retourné en Égypte avec 4000 talents d'or, 40 000 talents d'argent et 2500 idoles et statues emportées d'Antioche. verset 9. Et le roi du septentrion marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Effectivement, le roi de Syrie a ensuite envahi l'Égypte, où il a essuyé une défaite, sa flotte ayant été détruite par une tempête. Verset 10. Ses fils se mettront en campagne, l'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Que nous montre l'histoire? Les deux fils de Séleucus Callinicus, c'est-à-dire Séleucus III et Antiochus le Grand, ont envahi à leur tour l'Asie mineure et l'Égypte. Ensuite, Antiochus a conquis la forteresse de Gaza, communément appelée forteresse du roi du Midi. Verset 11. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Il s'agit là de Ptolémée Philopater, roi d'Égypte, lorsqu'il a rassemblé une immense armée pour attaquer Antiochus le Grand, dont les troupes ont été livrées entre ses mains. Versets 12 à 13. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Ptolémée Philopater n'a pas su exploiter sa victoire, car il s'est livré à une vie de débauche. Il n'a donc pas pu résister lorsqu'Antiochus le Grand est revenu à la tête d'une armée plus grande que la précédente. Cela se passait en l'an 203 avant Jésus-Christ. Il a alors rencontré son rival Philopater sur le champ de bataille de la Palestine, ce pays que Daniel appelle le plus beau des pays. Versets 15 à 16. Le roi du Septentrion s'avancera, il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Et nous pourrions poursuivre le récit de Daniel 11, qui parle successivement d'Antiochus le Grand et de ses fils. Avec une précision remarquable, les principaux événements de l'histoire sont prévus. Et ce chapitre 11 débouche, dès le verset 21, sur une étape marquante pour les Israélites, le règne d'Antiochus Épiphane dès l'année 189 avant Jésus-Christ. À son sujet, l'Écriture prévoit qu'il sera un homme méprisé qui s'emparera du royaume par l'intrigue. Verset 21. Il envahira l'Égypte, versets 22 à 27, et à son retour, il s'arrêtera en Judée, où il se montrera hostile à l'Alliance Sainte. Verset 28. Puis il entreprendra une nouvelle expédition contre l'Égypte. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Verset 29. Apprenant que la flotte romaine, désignée dans cette prophétie comme les navires de Kittim, verset 30, est en train d'appareiller, Antiochus rebroussera chemin, puis il concentrera toute l'ardeur de sa colère contre les Juifs de Palestine. Verset 30. Furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. Verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. L'historien Joseph raconte qu'Antiochus Épiphane a odieusement profané les lieux saints de Jérusalem, allant jusqu'à immoler une truie sur l'autel des sacrifices. Antiochus a cherché à imposer sa loi et à interdire la religion juive. Il a irrité les Israélites jusqu'à ce que, excédé, il se soulève et repousse l'intrus et, sous la conduite de Judas Maccabée, libère Jérusalem de la domination du roi de Syrie. Puis, toujours selon la prophétie, ils ont puni les traîtres de l'Alliance. Verset 32. Comment Daniel a-t-il décrit par avance cette réaction patriotique des Maccabées, fruit d'un véritable réveil spirituel? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Daniel 11, versets 32 à 33. J'interromps ici ces parallèles entre la prophétie et l'histoire pour m'adresser à vous, chers amis à l'écoute. Nous aussi, nous sommes confrontés à un adversaire puissant qui veut s'interposer entre nous et Dieu et profaner les choses saintes. L'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans le monde. Il cherche à saper les fondements de la civilisation. Il s'attaque aux institutions divines et aux principes de base de notre très sainte foi. Il entraîne la société tout entière dans la corruption, la débauche et la violence. Mais ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté et instruisent la multitude par la sagesse reçue du Seigneur. Que le mot d'ordre de Daniel 11, 32 prouve donc ses effets dans chacune de nos vies. C'est pourquoi nous voulons le lire à nouveau. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Quel beau programme pour chacun de vous, chers auditeurs. Alors bon courage.